sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Vous écoutez La Dernière Porte à Gauche. Bonjour et bienvenue à l'émission La Dernière Porte à Gauche sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Aujourd'hui à l'émission, il va y avoir quelques nouveautés, entre autres une nouvelle pièce de Carquois, leur album très attendu qui sort le 30 mars prochain. Enfin une nouvelle pièce qui est disponible sur les internets, donc on va écouter ça aujourd'hui. Sinon, dans les nouveautés, rien qui qui sort prochainement, mais dans ce qui est sorti très récemment, il va y avoir entre autres du Radio, il va y avoir du Moussette, il va y avoir aussi un remix intéressant fait par Mister Valère, un remix d'une pièce d'Alpha Rococo. Je vous en reparle un peu plus tard et on commence ça tout de suite avec une nouvelle pièce de Tricot Machine. L'album est sorti cette semaine, le 16 mars dernier. J'ai pas encore eu le temps de l'écouter de fond en comble, mais on va quand même en écouter une pièce tout de suite. On va écouter une bûche après l'autre. C'est un extrait de la prochaine étape de Tricot Machine. Donc, on écoute ça tout de suite à La Dernière Porte à Gauche. De fin novembre au mois de mars, en attendant que le pays fonde, que la nature sorte de la glace, une bûche après l'autre, vers 3 heures pendant que je dors, tu te lèves pour garder en vie poêle un feu de bois mort, puis tu retournes finir ta nuit, une bûche après l'autre, une bûche après l'autre. À 5 heures le cadran sonne, les napperons sont déjà à table, je t'entends traîner ton jusqu'au travail, une bûche après l'autre, une bûche après l'autre. Quand je me lève, t'es déjà parti gagner notre pain au chantier, je rajoute une bûche moi aussi pour ma mère qui va rester. Une bûche après l'autre, une bûche après l'autre. Puis les années sont passées, c'est moi qui se brûle à l'ouvrage pour les bosses de la compagnie. On est tout du bois de chauffage, j'suis pas plus fort, pas mieux qu'un autre, à moins 40 j'attache mon compte, le vent soulève plus que moi, mais y'a rien. Chauffe électrique, ça fait moins de poussière. Les feuilles vertes C'était Moussette avec la pièce Feuilles vertes. C'est le premier extrait de leur album Le Club Alpin, album qui est disponible depuis le 16 mars, donc depuis cette semaine. Et là, l'album va être lancé officiellement le 19 mars. Donc, pour ceux qui écoutent la rediffusion, c'est trop tard. Donc, l'album va être lancé au Chérubin le 19 mars à Montréal. Il y a déjà un autre spectacle d'annoncé au mois d'avril. Et j'espère qu'ils vont le tourner un peu, cet album-là, parce que je sais que l'album précédent avait passé un peu sous silence. C'est pas un album qui avait tourné beaucoup, que le groupe avait tourné beaucoup, qui avait été joué en région. Donc j'espère qu'il va avoir un petit peu plus d'exposition pour cet album-là. En tout cas, ce que j'ai entendu à date de l'album, c'est-à-dire la pièce Feuille verte qu'on vient d'entendre, c'est un petit peu plus rythmé, peut-être un petit peu plus accessible aussi, une pièce un petit peu plus un petit peu plus concise que ce qu'on avait entendu avant sur le précédent album. Moussette, pour ceux qui ne savent pas, c'est un groupe qui regroupe des membres de Avec Podcast et de Le Nom. Donc voilà pour Moussette et leur album. Le Club Alpin, juste avant, c'était Tricot Machine avec la pièce Une bûche après l'autre. Eux aussi, leur dernier album, La Dernière Étape, est disponible depuis le 16 mars. On continue tout de suite en musique avec un artiste dont on attend le nouvel album avec impatience, Le Husky. On écoute la pièce Dis-moi, qui est une nouvelle pièce d'ailleurs, qui se retrouve ici sur la compilation Les Frères du Son. J'imagine que c'est une pièce qui va se retrouver sur le prochain album du Husky. Toujours pas de date d'annoncer pour Le Husky, mais on écoute tout de suite cette pièce Dis-moi à la dernière porte à gauche. Le problème, c'est que sans référence, ça demande courage que je n'ai pas toujours. La praticabilité de mon art familier et mes pratiques familières sont de la fainéantise. Vous avez peut-être remarqué que c'était pas le Husky qu'on a entendu, mais bien 4D. J'ai fait une petite erreur, mais j'adore 4D. Donc, pourquoi pas écouter au passage la pièce famélique de cet artiste. Mais maintenant, c'est le Husky pour vrai avec la pièce « Dis-moi ». Ça fait d'être détruit par les saisons. Quel effet ça fait de pousser les mauvais boutons? Quel effet ça fait d'oublier tous les bonbons? Quel effet ça fait de doucement perdre la raison? Dis-moi, avant que je devienne comme toi. Quel effet ça fait de plus savoir comment rire? Quel effet ça fait de ne plus jamais sourire? Quel effet ça fait de se sentir engourdi? Quel effet ça fait de sentir la maladie? Dis-moi, avant que je devienne comme toi. Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire? C'est-tu possible de revenir en arrière? Quand c'était beau, quelque chose qu'on peut faire, si tu veux.

Serpent à échelle du groupe Bateau Noir, c'est ce qu'on vient d'entendre. Et juste avant, c'était La Main de Bivouac. Bivouac, un groupe dont plusieurs membres de Bateau Noir ont fait partie. Bivouac s'est rendu pas mal, je dirais, le projet solo de Jérôme Gagné maintenant. Ça continue à exister, mais c'est assez tranquille du côté de Bivouac. Maintenant, on va écouter un groupe que j'ai fait jouer souvent ici avec leur premier démo qu'on avait reçu à C'est Fou, qui avait été dans les palmarès d'ailleurs pendant un bon bout de temps. Bref, un groupe qu'on aime beaucoup ici à C'est Fou, mais qui était aussi un peu tranquille depuis quelques mois parce qu'ils préparaient leur premier véritable album qui sort comme une bombe maintenant. C'est le nom de l'album. L'album s'appelle Comme une bombe et il le lance de cette façon-là. C'est Les Gigolos, groupe du Lac-Saint-Jean. Et puis, en fait, le groupe a changé un peu de nom. Le groupe s'appelle Les Jigs maintenant. C'était un surnom que déjà, à l'époque où il s'appelait officiellement Gigolo, les gens les appelaient souvent Les Jigs. Maintenant, apparemment, le groupe s'appellerait officiellement Les Jigs. Oui, vraiment, j'ai la pochette d'album sous les yeux et c'est vraiment inscrit Les Jigs. Les Jigs dessus. Donc, on va écouter un extrait de cet album-là, Comme une bombe. Je ne sais pas si l'album est distribué. Ça m'a l'air d'une production indépendante. Et puis, ça a sorti quand même assez subtilement aussi, cet album-là. On n'en a pas entendu étonnamment parler. Mais ce serait la semaine dernière, en fait, que l'album aurait été lancé. Donc, on va écouter un extrait de l'album Comme une bombe des Jigs. On va écouter la pièce Rock et roule à la dernière porte à gauche. C'est toujours à l'émission La Dernière Porte à Gauche sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM en compagnie de Kiwan. Et vous entendez présentement en arrière-plan, ou l'entendez peut-être pas très bien, et c'est Lou Blanc. En fait, c'est un artiste de la région ici de Trois-Rivières. Donc j'ai laissé aller un petit peu l'extrait. C'est juste un petit extrait à vous faire entendre, pas vous faire écouter la pièce au complet. Donc. La vie ne fait pas le moins, ne vous fiez pas, mon allure sale. J'arrive du travail, gagne mon salaire, mon calvaire. Mon fioul, mon épicerie, ma petite bière de samedi soir. Ce que je peux dire, c'est que j'en ai pas trop. Car moi, je suis pas un employé, cadre chez Hydro. J'ai les mains, ça la même part d'avoir fourré la pop. L'esprit propre, je n'ai que la dope et même la clope. Car moi, je crache pas la Camelot, mais je loue pas au despot. Vision claire comme de l'eau de roche, fière. Donc, c'est quand même rare que je fais jouer des artistes hip-hop, des artistes typiquement hip-hop. Mais étant donné que c'est un artiste de la région, et surtout étant donné qu'il va être en spectacle le samedi le 20 mars à la Galerie Laparte, je trouvais ça pertinent de vous faire entendre un peu de Lou Blanc, surtout que c'est vraiment très bien fait. Entre autres, une collaboration avec Naïd parmi le matériel qu'on peut entendre un peu sur son MySpace, mais c'est seulement des extraits. Donc voilà pourquoi je peux pas vous faire passer une pièce au complet. C'est pas parce que je veux pas la faire jouer au complet, mais on pourrait croire ça étant donné que vraiment pas souvent de hip-hop qui joue ici. Mais j'aime bien ce que j'entends, ce que j'ai entendu à date de Lou Blanc. J'aime bien ça, donc je trouvais ça intéressant de vous en parler un peu. Et si vous voulez en savoir plus, en fait, vous pouvez écouter demain l'émission Assemblage requis, parce que Lou Blanc devrait être en entrevue à l'émission pour parler du spectacle du 20 mars à la Galerie Laparte. Donc si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur Lou Blanc, ça va se passer donc jeudi le 18 mars à l'émission Assemblage requis pour le spectacle du 20 mars. Donc voilà, je dis toutes les dates et si jamais c'est déjà passé, c'est parce que vous écoutez la rediffusion. C'est pour ça. On continue tout de suite en musique avec une pièce du dernier album de Radio Radio. Leur album s'appelle Belmundo Regal. On écoute une pièce qui n'a pas encore joué ici à l'émission. Ça s'appelle Je savais pas mieux. Et c'est à La Dernière Porte à Gauche. Save him, I got the morning glory story itself. Skipping and jumping, oh bum, I'm bent, hop, skipping and jumping, oh bum, I'm bent, Alakazoo, Alakazam, said like a scam, said the fucking broken piss in my band. So, never mind, rewind, I find ground, said the French press party, my shlure, see the mind. Puis là tu fais fin, kick the can, kick the bucket, diamant, c'est la main. C'est pas de la faute, tu fais de la colle, ça se trouve à l'école. C'est pas de la faute, j'ai du goût pour des magnifiques folles. So je ne vous, j'ai pas un brass du tout. I guess it, ça arrive quand c'est pire de vous. So, je ne vous, si j'ai un manque de goût. I guess it, ça arrive quand c'est pire de vous. C'est là ça joue. So je ne vous, j'ai pas un brass du tout. I guess it, ça arrive quand c'est pire de vous. So, je ne vous, si j'ai un manque de goût. I guess it, ça arrive quand c'est pire de vous. Hop, skipping and jumping on bump. Skipping and jumping on bump. Eye patch being curly fried. Harris Allah being trip at Dubai. On y gone, but c'est pas à la bank. On y gone, dans le sud avec le mid-size tank. Avec mon cash, lâché sous le matelas. Besoin de mortgage pour payer l'avocat. A street fight avec un terre-terre. Je savais point mieux, puis je l'ai pris dans mes bras. I guess we'll fight for a gang, it's jam reminding. Billing over, j'ai pas dit Jehovah. Guzzle at the gas, come and Ranger Rover. J'ai le Hoover, ça peut pas mon secret. Arrête au pillard, puis dans mon once de paix, ça fait. Un héros de j'ai, j'peux pas former. Game, c'est le Rambo, game, on pas dans les yeux. Fais feureux dans mon poil à malheur, c'est comme la French way, quand c'est watch it late. Café de livre pour le mélodrame. Encyclopédia, je veux mon téléback. J'ai 20 ans, c'est le mat des soirs. Mais j'peux la marche à haut, j'veux pas faire le faux. Cache pétero, sunrise, tomato. J'écoute la TV, c'est la radio. Game, c'est le Rambo, game, on pas dans les yeux. Jumping on bump, je te donne pour tout ce que tu veux. Hop, comme si c'était pour le parfum, yeah. Hop, skip and a jump and a bump. Jump and a bump. Le groupe Kick P Snare de Saint-Hyacinthe avec la pièce Pas à vendre, un groupe qui me fait un peu penser à Gatineau et qui me fait un peu penser aussi que j'ai vraiment très hâte au nouvel album de Gatineau qui n'a toujours pas de date d'annoncer, en tout cas à ma connaissance. Mais quand même, c'est toujours bon en attendant du Gatineau, soit de réécouter du Gatineau ou de découvrir d'autres groupes intéressants comme Kick P Snare, un très bon groupe. Maintenant, on va aller écouter un peu de Alpha Rococo. Et c'est très rare que... En fait, j'ai jamais fait jouer d'Alpha Rococo ici à l'émission. Puis c'est pas parce que c'est un groupe que je déteste vraiment, mais c'est pas partie des groupes non plus que j'aime particulièrement. Sauf qu'ici, on parle de plutôt d'une pièce remixée, une pièce d'Alpha Rococo remixée par Mister Valère. Et ça reste quand même fidèle au son d'Alpha Rococo, étant donné que je connais pas vraiment, ben, tu sais, en fait, ça reste une composition d'Alpha Rococo. Étant donné que j'ai rien, en fait, en particulier contre ce groupe-là, je les déteste pas. Je trouve que le mélange des deux, ça donne quand même quelque chose d'intéressant. On reconnaît Alpha Rococo, mais en même temps, c'est très, très Mister Valère. Donc, je vous propose d'écouter ça tout de suite. C'est la pièce, en fait, Plus rien à faire de Alpha Rococo, revisitée par Mister Valère. On écoute ça tout de suite à la dernière porte à gauche. Thank you. position. Le groupe de New York EXA avec la pièce Ce soir qu'on vient d'entendre juste avant ça, c'était Alfa Rococo remixé par Mister Valère. Donc je ne sais pas si vous avez aimé, mais bref, vous pouvez aller sur le site de Alfa Rococo que je pourrais vous nommer dans quelques instants. Et vous avez 4 pièces en fait qui ont été refaites par Mister Valère et qui sont disponibles pour télécharger comme ça gratuitement. Donc 4 remixes de Alfa Rococo. L'émission est presque terminée pour aujourd'hui et je vous parlais en début d'émission que je vous ferai passer une nouvelle pièce de Carquois parce que leur prochain album va être disponible le 30 mars prochain. Il y a une pièce qui est déjà disponible gratuitement. Donc, inquiétez-vous pas, j'avais pas oublié de la faire passer. J'avais vraiment hâte, en fait, de l'entendre parce que je l'ai pas écouté encore. Je me suis dit, je vais garder ça pour l'émission. J'ai appris ça ce matin. La nouvelle est sortie sur Facebook hier et en voyant la pièce ce matin, j'ai pas écouté, je me suis dit je vais regarder ça pour l'émission, la découvrir en même temps que vous si vous l'avez pas déjà entendu, parce que c'est quand même un album qui est très attendu, puis la nouvelle a pas mal s'est propagée assez rapidement aujourd'hui, et tandis que je vous parle comme ça, j'ai sorti l'information. Si vous voulez les pièces de Alfa Rococo remixées par Mister Valère, vous allez tout simplement sur le alfarococo.com, c'était aussi simple que ça. Donc on va écouter la nouvelle pièce de Carquois, mais juste avant ça on écoute une pièce du groupe Escarmica, ça s'appelle L'Accident, et c'est ce qui va terminer l'émission. Donc je vais tout de suite vous saluer, vous dire à la semaine prochaine à la même heure. Et pour ceux qui écoutent l'émission en direct, c'est Émilie Adam qui s'en vient avec l'émission en attendant. Et pour ceux qui écoutent l'émission le lundi en reprise, c'est les gars du Dîner de con qui s'en viennent. Donc, Escarmica, et on va terminer l'émission avec la nouvelle pièce de Carquois qui s'appelle « Les chemins de verre ». Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Bye bye. Sur une route maganée, déminée par le doute, des lieux mal éclairés. T'as manqué une courbe et le short a craché. Tu traverses la neige, le pare-brise qui casse. Et ton corps aussitôt hélico projeté par-delà quelques vrais, quelques accélérés. Jeté en deux temps, toi ta caisse renversée. Prends le volant, la route et puis le champ. Traverser le verre comme on sort de sa mère. Vu la somme des entorses, vu le sang sur le corps. Ton âme flanche et divorce. Si j'étais là, je te parle de toi. Fais le champ des rois. Pour ton corps qui mange jusqu'à ce que tu t'endormes. Parmi l'eau crayonnée à l'aquarelle incendie, t'es bercé par le vent sur un lit de gravier. Et partout sous ta peau, le sang a dessiné des fleurs fanées, des chrysanthèmes qui mousent. Et on fait un gros plan sur ton corps en fadesse. Le